Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de l'Another Podcast. Aujourd'hui, pour présenter cette émission, nous sommes encore trois. Moi-même, François, Alain et Dominique. Je compte refaire un petit clin d'œil par rapport à l'émission qu'on a fait la semaine dernière. On a longuement parlé de Hearthstone, et histoire de faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'on a eu l'open beta qui a enfin été lancé. Donc ça veut dire tout joueur. Tout le monde, tous ceux qui ont un compte Battle.net peuvent théoriquement prétendre à jouer à Hearthstone. Voilà, Laurent la dernière fois n'avait pas eu accès et il a pu se connecter sans problème. Après tous ces joueurs qui se sont connectés, on a eu quelques problèmes de connexion qui ont été... Des petits soucis pour se connecter au compte Battle.net et ce qui a touché tous les autres jeux, donc le World of Warcraft, Diablo 3... Ah les pauvres. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive avec Blizzard, mais bon, les gens commencent à avoir l'habitude. Donc impossibilité de se connecter, etc. Et je profite qu'on vient de faire une petite parenthèse sur World of Warcraft, puisqu'ils ont publié leurs chiffres de cette année, et se sont rendus compte que depuis la création de World of Warcraft, il y a eu plus de 100 millions de comptes qui ont été créés. Ça en fait un paquet de pauvres joueurs qui ont été happés par le jeu, peut-être, ou non. Et cela nous fait donc un nombre de joueurs donc de 100 millions sur 244 pays différents, dont l'Antarctique. Moi, forcément. Je vois bien le gars dans sa petite hutte. Oh, non, il n'y a pas de hutte, non. C'est sans doute des chercheurs dans les bases scientifiques de l'Antarctique, oui, qui jouent à World of Warcraft en attendant le résultat des expériences, on imagine. Maintenant, ils joueront à Hearthstone. Voilà. Et donc, dans le jeu, il y a plus de 9 millions de guildes qui ont été créés, et pas moins de 500 millions de personnages. Sur ces chiffres, Blizzard insiste beaucoup sur le roleplay, l'histoire qui a été écrite autour de World of Warcraft. Et apparemment, ils se sont rendus compte qu'en cumulant toutes les histoires, ça c'est l'équivalent de 12 copies de l'intégrale du Seigneur des Anneaux, qui ont fait pas mal. Ouais, pas mal. Je suis pas sûr que tous les joueurs aient bien lu toutes les histoires, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que... Je me demande si moi j'en ai lu une seule. Oh, quand même. Toi, t'as joué, tu... Oui. Oui, voilà. J'ai joué 3 mois avant de me rendre compte que je devenais un petit peu no-life, alors... Surtout quand tu te connais, tu dois être comme moi, tu dois être plus ou moins casual gamer. Oui, mais un peu solo aussi des fois. Voilà, et quand tu vois les autres qui sont connectés au jeu pendant 9 heures dans la journée, et toi t'as ta petite heure, puis tu vois tout le monde qui a level 50, toi t'es au 13. Il faut pas connaître de vrais no-life qui ne travaillent pas et qui jouent toute la journée, puis toi t'arrives le soir et puis t'as beaucoup à rattraper, tu vas te coucher tard. Et lendemain t'as du mal et ça ainsi de suite pendant un moment, et après on se dit non, on peut plus suivre. Mais ça c'est pour ça que t'as arrêté, je crois, t'étais un peu deg. Ouais. Faut pas connaître vraiment quelqu'un, quoi. Enfin, faut vraiment dire, jouer solo. Je fais mon petit. Faut t'amuser. Faut le lire. Et lire ces 5 et ces 12 intégrales du Seigneur des Anneaux. Lire les quêtes, lire tous les textes. Voilà. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça a amélioré que toute cette lecture et améliore l'orthographe des joueurs de World of Warcraft. C'est étonnant. Enfin bon. Je me souviens du point d'interrogation jaune, c'est voilà. Tout. Ah, quête à prendre. tu cliques directement OK, tu dis aller tuer 5 mecs, et puis t'as la localisation sur la map. Voilà. C'est pas comme dans... C'était Morrowind, je pense, où ils te filaient la quête, si tu lisais pas, il y avait aucune chance que... Même en lisant la quête, des fois, t'avais du mal à trouver. Là. C'était une horreur. Suivez la route, lorsque vous voyez un arbre penché, tournez à droite, et merde. C'est quoi ce bordel? Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Une des news qui m'a fait un peu sourire, une news à propos de Microsoft, que notre cher ami Bill Gates, qui est l'un des plus grands milliardaires du monde actuellement, je pense, a plus ou moins affirmé qu'il ne rejoindrait pas Microsoft à plein temps, puisqu'ils sont apparemment à la recherche d'un PDG maintenant. Alors, apparemment, il travaille principalement sur sa fondation. Il essaye de dépenser l'argent qu'il a gagné, honnêtement. Donc, il essaie de lutter contre l'infection du VIH. Mais lors d'une interview, il a déclaré qu'il restait quand même un peu à Microsoft en tant que consultant. Ah, c'est quand même son bébé. Ah bah, il ne va pas lâcher. C'est quand même son bébé, et c'est normal. Il veut que ses parents rendent encore un peu d'argent. Il veut s'assurer qu'il va gagner son million. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, Bill Gates, c'est pas un Steve Jobs non plus. Hein. Dans quel sens ? Bah, dans le sens où on n'a pas l'impression que c'est lui qui crée, qui invente, qui... Voilà. C'est pas faux. Mais à l'époque, quand Bill Gates était à Microsoft, il faisait un peu le même show que Steve Jobs. À l'époque. À la communication, ouais. Oui. C'est à vraiment, l'époque, voilà. C'est quelque chose de comparable. Mais après, ça, le travail derrière, c'est là, vrai ça, que, là, ça fait longtemps Bill Gates que était plus un Bill Gates manager, un comptable. On pas Microsoft, comptable, ça reste Windows. Hein. Mm-hmm. Ça fait pas... Ça fait pas rêver. Voilà, tout à fait. Je cherchais. Ça fait pas rêver. Donc là, je vois les marges brutes qui se réalisent. Apparemment, la plus grosse marge sera sur les licences professionnelles qu'ils vendent donc aux entreprises de Windows. Mm-hmm. J'espère qu'ils ne vendent pas du 8 professionnel. Ah, je connais des gens qui se sont mis à 8, mais, et puis qui commencent à aimer petit à petit. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Non, moi, je n'ai pas encore pas fait. J'ai pas réussi. Pas testé. Hein. Non. J'ai même pas testé non plus, mais rien que des photos de l'interface, ça m'a calmé. J'ai testé toutes les versions de Windows. J'ai même une copie. Attention, j'ai des copies légales de Windows. Je les possède, moi. Depuis Windows 98. On a tous des copies légales de Windows. Mais au fond, j'ai plusieurs 98. J'ai un ou deux Windows XP, un Vista, qui tourne toujours. Et bon, un Windows 7. Moi, le pire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur le Millennium, je crois. Oh, le Millennium. Non, ça, non. Ah non, ça, j'ai jamais installé. Non, je suis resté longtemps sur 2000. Oui. Avant de passer à XP. Oui. Alors, le Millennium... Bah, je l'avais eu et moi, je trouvais ça bien jusqu'à temps qu'il me foutent des bugs plein la tronche. Non, parce tu ne les voyais pas au départ. C'est comme Avast et les virus. Ça marche bien, Avast, ça détecte jamais rien. Ah, voilà. C'est clair, c'est vrai. Ma version préférée de Windows restant quand même la version Windows 95B. Ouf, voilà, les connaisseurs apprécieront. C'est quoi, c'est genre le pack 3 de... C'est compliqué, il y avait plusieurs versions du 95 et la version 95B. Je ne sais pas pourquoi elle était mieux. Je suis pas sûr, mais je me demande si c'est pas la première version qui prenait l'USB en compte. Peut-être. Ou un truc comme ça. Qui prenait l'USB en compte, oui, ça... Mais peut-être, hein. Ça remonte à très longtemps. Il y a une différence entre la version 3.1 et la version 3.11 de Windows. Oui, aussi. C'est une grosse différence, oh là là. Donc, avis aux amateurs, Microsoft recherche toujours un nouveau PDG. On ne sait jamais. Hein. Ouais. Et donc notre ami Bill Gates, pour remplacer, donc c'était Steve Ballmer. Son ancien adjoint qui était devenu patron. Ouais. Et je me demande, il est parti où, lui ? À Hawaï ? Non, je ne sais pas. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne me fais pas de soucis pour sa retraite. Je me doute bien avec les bonus en fin de mois. Je me doute qu'il y a des gens comme ça qui ont travaillé pendant des années. Enfin, Bill Gates, même s'il a sa fondation, il doit s'ennuyer. Quoi. Passer de travailler 20 heures par jour à pas travailler. Bah, s'il reste consultant... Je suppose qu'à Microsoft, il doit bien avoir une réunion par jour. Et encore. Grand minimum. Bon. D'autres choses que vous voulez rajouter sur Microsoft ? Bah, on râle, mais bon, on est tous dessus. Bah, Parce que je connais des gens qui disent, bon allez, je vais passer à Macintosh, à Apple, et je vais acheter un Apple, etc. pour travailler. Puis au bout d'un moment, ils laissent tomber et ils réinstallent même un Windows sur leur Apple, parce qu'en fait, ils connaissent personne qui a d'Apple, puis il n'y a pas les logiciels qu'il faut. Voilà quoi. C'est le problème. Moi, je connais des professeurs. Professeurs d'école qui se disent allez on va passer au Macintosh machin c'est vachement bien et puis bah qui se rendent compte que certains logiciels qui fonctionnent pas même des fois des DVD maintenant qui sont fournis avec les bouquins et qui sont pas compatibles ou qui fonctionnent pas comme c'est clair, pour le mec qui s'y connaît pas trop Quand tu achètes un ordinateur, tu regardes ce que les gens autour de toi ont. Mais c'est comme à la bonne vieille époque de l'Atari et de l'Amiga, t'avais les deux clans, mais bah, tu regardais ce que tes copains avaient à l'école pour essayer de te prêter des jeux, n'est-ce pas ? Se prêter des jeux, si tous tes copains avaient un Amiga et que toi t'avais un Atari, bah, tu réussissais pas, tu allais jouer tout seul dans ton coin. Et là c'est pareil, je connais pratiquement que des gens qui ont des PC sous Windows, donc voilà. C'est, moi le plus gros choc entre Microsoft et Apple... En tout cas, pour le Mac, ça restera la souris. Quand on a filé la souris Mac, j'avais quoi ? Un bouton. Et merde, bon, on va prendre la souris du PC, on va la brancher dessus. Bah, c'est beaucoup de raccourcis sur Mac. Hein. C'est une question d'habitude. Bah, moi, je m'y perds. Hein, moi qui est un peu quand tu n'as pas l'habitude, quand tu ne pratiques pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour les utilisateurs novices, c'est comme ils vont filer leur ordinateur à un informaticien qui va leur installer Linux sous prétexte que c'est gratuit. Et là, tu les... Après, tu les vois galérer comme des porcs. Donc, ouais, c'est l'Apple pour moi, c'est plus lorsqu'on spécifie multimédia, qu'on commence à faire des petits montages par-ci par-là. Ou qu'on... C'était le système de référence de tous les graphistes et compagnie, tous les créatifs qui ont de l'argent. Et Linux, c'est pour. Pour faire croire que tu t'y connais. Alors que derrière, tu peux avoir Windows. Et quand tu redémarres le PC, t'as le choix par défaut qui reste Windows. Voilà. Donc voilà, avec tous ces millions brassés, on se fait aucun souci pour Bill Gates. Si on change un peu de sujet pour parler d'un jeu vidéo qui est sorti, bon, il y a quelques mois, mais qui a quand même attiré mon attention sur Steam, qui est King of Bounty Legends. Alors j'ai appris en faisant des recherches un peu sur le jeu qu'en fait il y avait une version qui avait été sortie sur Facebook. Mm-hmm. Malheureusement je ne l'ai jamais testé. Moi je l'ai découvert sur Steam parce qu'il était gratos. Toi Alain, je sais que tu n'y as pas particulièrement joué. Non. Moi je connaissais King of Bounty quand il était sorti en standalone, quoi, la version, mais il y a quelques années, quoi. La version, c'était que sur PC je pense. Laquelle ? Puisque je vois qu'il y en a deux, il y a celle de 90 et il y a celle de 2007. Donc moi c'est celle de 2007 que j'avais testée. C'était, oui, c'est ça, c'est une espèce de clone dans le même genre que Heroes of Might and Magic, auquel on a tous joué, à toute la version. Tout à fait. Et avec un côté plus orienté vers les héros, un petit twist différent, des graphismes améliorés, bien sûr, vraiment sympa, quoi. Le jeu était sorti, il avait pas mal d'extensions, et quand tu m'en as parlé, oui, j'ai regardé, effectivement, il y a une version sur Steam, une version Facebook. Alors, c'est une version un petit peu, on retrouve bien les mécaniques du combat, compagnie, gérer son armée, mais bon, un petit peu moins, je trouve ça un petit peu moins accrocheur que une version un peu plus standalone sur PC. Quoi. Pour rappeler un peu le concept du jeu, on a un héros qui peut se balader sur une sorte de map. De carte, de territoire, c'est ça. Donc il se balade de ville en ville, et à chaque fois qu'il rentre dans une ville, il peut déclencher une quête. Donc on récolte au fur et à mesure des unités. Donc dans King of Bounty, c'est très spécifique, puisqu'on peut avoir maximum 5 ou 6 type d'unités différentes. En même temps dans son armée, oui, pour se battre. Donc on peut par exemple avoir 20 paladins, un dragon... Des paysans. 150 paysans. Beaucoup plus, beaucoup plus. Qu'on fait déplacer donc en tour par tour avec des cases en hexagone. Sur la carte, voilà. Donc chaque personnage a son type de déplacement, un type d'attaque à distance ou au combat. C'est ça. Les combats, c'est ça, c'est du tour par tour. À la Heroes of Might and Magic pour les connaisseurs. Et, c'est vrai qu'en parlant de paysans, oui. Et en général, le but, c'est d'annihiler l'adversaire en face. On peut capturer ses héros, on devient de plus en plus puissant, on conquiert des territoires, on apprend des nouveaux sorts et compagnie. Et bon, là, le problème, c'est que c'est une adaptation un petit peu... moi, j'ai joué à la version... J'ai installé la version Steam, mais j'ai testé aussi la version Facebook, c'est la même. Hein. Je vais même jouer à la version Android, mais sur mon écran, c'est un petit peu petit. Le problème, c'est que par avoir une version de jeu classique, bah, c'est comme un jeu Facebook. Au bout d'un moment, on te demande, si possible, de dépenser un peu du vrai argent pour acheter des bonus, pour finir plus vite tes recherches, pour avoir plus de meilleures unités, etc. Comme alors, tout, bon, voilà. Bah, moi aussi, j'ai commencé le jeu, j'avais donc à partir du niveau 1 jusqu'au niveau 15. Quand même. Je pense que j'ai une quinzaine d'heures de jeu, voire un peu plus. Et au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que les nouvelles quêtes, je peux pas les faire parce que je suis pas encore assez fort. Je vais devoir me répéter les quêtes anciennes ou bah, je dépense des thunes. Voilà. Donc soit je perds 20 heures à faire la même chose, soit je vais dépenser 2 euros. Non, je sais pas combien. 2 euros, et puis ben, au prochain niveau, je vais en dépenser 4, 10, ça finira jamais, quoi. Non. Une fois que tu rentres dans l'engrenage, je vais te dire, j'achète un truc pas trop cher. Non, il faut pas. Non. Bah ça dépend, hein. Moi, ça dépend, oui. Il y a un jeu, c'était Pong, le jeu de golf. Le jeu de golf. J'y avais joué, mais... J'avais une 60aine d'heures faciles dessus, voire plus. Et à un moment, je me suis dit, bon, je joue à un jeu gratuit, il m'arrive d'acheter les jeux, je vais peut-être leur donner quand même 5 euros, quoi. Mmh. Par principe, de dire, voilà, je me suis bien amusé, je me sens pas forcé de payer, mais j'ai envie c'est de participer. C'est le principe avec les jeux gratuits. Si tu débrouilles bien, tu peux t'amuser largement sans dépenser un seul sou. Mais tu dis, au bout d'un moment, bon, les développeurs, ils sont sympas, on va les aider, on va leur filer un coup de main, quoi, c'est ça. C'est comme quand je vois un nouveau magazine qui sort en librairie, je sais qu'il va pas durer longtemps. Mais j'achète au moins le premier numéro, ça m'intéresse, voilà, pour les encourager, quoi. Donc, revenons sur King of Bounty. Donc, le premier jeu était sorti en 1990, et je me suis aperçu que ce jeu, en fait, c'est l'ancêtre de Heroes and Might and Magic. Je pensais que King of Bounty, quel c'était juste... Quelle situation, ah là là. Et qu'ensuite, donc, la boîte, c'est la même boîte qui a fait les jeux Heroes. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et ensuite, donc, le jeu de 1990, ça a été remasterisé plus ou moins graphiquement pour l'Amiga. Alors, personnellement, même si je suis un fan de l'Amiga, j'ai malheureusement pas eu la chance de le tester. Je pense que c'est pas... On n'a pas raté grand-chose. Et donc, en 2007, c'est une compagnie donc, russe, une boîte de jeux vidéo qui s'appelle 1C Company, qui a acheté la licence et qui, elle, a produit tous les jeux qu'on voit de King of Bounty à présent. Avec des tonnes d'extensions, etc. C'est des très très bons jeux, quoi. Donc, ça veut dire que maintenant, on a deux boîtes différentes, que ce soit pour Heroes and Might and Magic et King of Bounty. Il y a un dernier Heroes qui est sorti, je pense, c'est le 6. Celui auquel on a pu jouer, c'est peut-être... Enfin, ça a été le 3. Le 2, le 3. Le 2, le 3. surtout le 3. Le 2 et le 3. Ouais. Ouais. Mmh. La suite, ça a commencé, t'avais trop d'unités. C'est, graphiquement, c'était amélioré, mais il n'y avait rien vraiment neuf, quoi. Non, et puis ils avaient fait. Alors, je pense à partir du 4, mais le 5, c'est sûr. C'est que le déplacement de ton perso se faisait quasiment en temps réel. Alors qu'avant, tu avais tes points de mouvement. On pouvait accélérer la vitesse. T'avais tes points de mouvement, tu joues en réseau, t'as dans des 3 heures que l'autre joue, se décide à acheter toutes ses unités. Et la grande. Récolter toutes ses mines. Et t'avais du brouillard. Des fois, tu voyais un petit gars passer, repartir. Tu faisais non. Est-ce qu'il est là ou pas ? Je crois que je rentre à mon château. Et la grosse différence qu'il y a entre Heroes et King of Bounty, c'est justement le système au niveau des châteaux où on construit ces bâtiments. Mm-hmm. Dans King of Bounty, on récolte les troupes, mais on ne fait jamais de bâtiments pour les produire. On n'a aucune gestion comme ça au niveau du château. Dans Heroes of Magic, tu avais ton château, ta capitale, on va dire, où... et dedans, tu construisais des bâtiments, la taverne pour recruter des héros, je crois. Les fortifications. Voilà, tous les baraquements et compagnie, pour avoir des unités de plus en plus puissantes, et apprendre des nouveaux sorts, la tour de mage qu'il fallait évoluer pour avoir des mages, des sorts de plus en plus puissants. Chacun orienté, soit tu faisais soit que du guerrier, tu pouvais aussi faire un petit peu de sorts. Chacun jouait de sa façon, quoi. Mais c'est vrai que... King of Booty est peut-être plus adapté aux gens en ligne, vu qu'il y a ce côté de gestion en moins, t'achètes juste tes troupes et tu fais des combats en duel, un peu comme dans Hearthstone, donc tu challenges un adversaire aléatoire, et t'espères que t'auras plus d'unités que lui. Il y a moins de chances dans King of Booty qu'il y en a dans Hearthstone. Dans le sens où Hearthstone, même si t'as joué 100 heures de moins que ton adversaire, t'as toujours une chance de gagner parce que t'as pris les bonnes cartes. Voilà. S'il a un mauvais tirage de cartes, il va mal s'en sortir. Et ce qui est vraiment décevant dans King of Bounty Legends, c'est que si le mec a plus de troupes en face... Ou s'il a dépensé plus d'euros, ce qui revient au même. C'est que ta marge de victoire, elle est réduite, mais d'une façon spectaculaire. Généralement, tu lances le combat, tu sais si tu vas gagner ou tu vas perdre. Ce qui n'est pas le cas dans Hearthstone, où t'es constamment en stress. Voilà. Il y a des moments où tu dois abandonner dans Hearthstone, parce que t'as vraiment aucune chance. Mais jusqu'au bout, tu sais jamais. Même quand tu n'as... Voilà, il m'est arrivé de finir des parties à Hearthstone. J'avais un point de vie, mon adversaire en avait encore au moins 20. J'ai réussi à le tuer quand même. Bon, faut vraiment de la chance au tirage de cartes. Mais c'est comme ça. Alors que là, tu lances le combat, il y en a peut-être un où tu vas te dire, bon, là, il y a moyen de gérer. C'est vrai que les choix, les placements des unités jouent peut-être dans tes premières parties, mais les erreurs que tu fais, tu les apprends, tu les corriges très vite et tu les fais plus jamais, quoi. Tu apprends à lire le déplacement des unités adverses pour savoir jusqu'à où ils doivent avancer pour t'attaquer. Donc tu restes hors de portée, tu lances tes forts et tu sais combien de dégâts. Tu peux calculer combien de troupes tu vas tuer exactement avec tes attaques, même s'il y a un petit peu de hasard, mais... C'est le problème, c'est que c'est un peu répétitif. Et le manque de nouveautés. Là, la nouveauté, c'est que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tu peux défier tes amis sur Facebook ou sur Steam. Mais bon, ceux qui ont joué beaucoup avant, je suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Bah moi, je me suis dit, je vais y rejouer de temps en temps, quand j'ai vu le concept. En plus, je suis plutôt fan de Heroes and Mathemagic. C'est ça, c'est le côté nostalgie. Mais bon. Mais à partir d'un moment, tu te fais, non, c'est plus possible. Quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas du neuf. Allez, je vais aller jouer. Ou forcer plus ou moins à aller faire des duels contre les autres joueurs, et je sais que je vais me faire planter 3 fois sur 5. Et c'est vrai que c'est pas vraiment. J'ai pas senti de recherche de joueurs ciblés sur ton niveau. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs ? Non, c'est le côté Facebook où tu peux réclamer, tu peux utiliser ta communauté d'amis sur Facebook pour avoir plus de ressources ou je ne sais quoi, ou faire des quêtes, ou enfin, bref. Un peu comme Candy Crush. Mais quand tu joues tout seul dans un coin. Ouais. Le nombre de notifications que ça peut envoyer, cette merde. Je me détends. Ouais. Le nombre de personnes qui se retrouvent avec des milliers d'amis, rien que pour avancer plus vite. C'est ça. Voilà quoi. J'avais un jeu de baseball, mais t'as dû le tester avec moi, je me souviens plus de ce jeu de baseball. Oui. Et pareil, j'avais des Taïwanais comme amis. C'est ça, c'est le principe. Alors que je suis super select, je me suis retrouvé pareil avec ça te force à partager toute la liste d'amis, etc. Bon, c'est le but de ces jeux, quoi. Mais... Donc, King of Bounty a été aussi adapté en jeu de plateau. Un jeu plateau qui est sorti en 91. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a une petite photo du jeu, hein, ça fait... Bon, on voit qu'il est sorti en 91. On voit qu'il est sorti en 91, on sait jamais. Mais bon, c'est vrai que, vu le concept du jeu, ça aurait pu être très bien adapté en jeu de plateau. Malheureusement, je pense qu'on... Aucun nous l'a testé. S'il n'y a pas un jeu Heroes of Might and Magic en version plateau, ça pourrait être pas d'y jouer. Ou au pire, on le fabriquera nous-mêmes. Non, je suis pas sûr qu'on soit prêt à affronter une journée entière de partie, alors que sur l'ordinateur, on peut y jouer en quelques minutes. Il y a d'autres jeux plateaux qui sont adaptés en jeux vidéo. Ou l'inverse. Il n'y a pas des jeux Warhammer 40 000 Si, tous les jeux Warhammer 40 000 ont été adaptés en jeux vidéo, et bientôt le MMO. avec un peu de chance. Mais puis il y a aussi le sens inverse, les jeux vidéo qui sont adaptés en jeu de plateau. Ben, le jeu Conan, Tetris. World of Tetris par exemple. le World of Warcraft, le jeu de plateau et le. Doom. Doom, bien sûr. Etc. Enfin bon. On y a joué à Doom. Ah. Mmh. Une fois. Mmh. On y a joué. C'est sympa. On est mort, on est reparu, on a trouvé la clé jaune, la clé verte, on a ouvert la porte, on a réussi à sortir. Voilà. C'est exactement ça. Starcraft. Starcraft, voilà. Très bonne adaptation au jeu de plateau. Et Dune. Mais alors, est-ce que c'est... Non, c'est l'adaptation du film et des romans, ça n'a rien à voir. Ne commence pas. J'aurais tenté. J'ai bien essayé, mais non, ça ne marche pas. C'est histoire de placer Dune au moins une fois par podcast. Donc le jeu qui est sorti en 2007 a subi plusieurs adaptations, une qui est sortie en 2012, et on a la prochaine qui va sortir en 2014, donc King's Bounty Warriors of the North, Ice and Fire. C'est facile à tenir, ça donne presque envie de rejouer au vrai jeu King of Bounty. Donc voilà, donc une nouvelle sortie qui sera faite, et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de version notable sur la version en ligne, que ce soit Facebook ou, non, ou Steam, peut-être c'est... graphiquement parce que... Non, vous voyez encore. Mais graphiquement, c'est beaucoup moins, c'est pauvre par rapport à la version 3D à laquelle on pouvait jouer, version standalone, le vrai jeu PC King of Bounty. Il est peut-être temps de faire une découverte musicale. Oh mon dieu. Alors le problème, c'est qu'on a, donc notre album découverte est là, hein, ça sera Marc Gormley. Mais je me dis que c'est autant visuel qu'auditif. Enfin là, tout de suite, on est transporté dans un autre univers. C'est beau. Bon, la qualité sonore, c'est pas du la reproduction, c'est l'origine. L'album d'origine est dans cette qualité-là. Je comprends pas qu'avec son succès, il a pas remasterisé. Trop occupé, je pense qu'il est trop occupé à faire des concerts à travers le monde. Signer des autographes. Ça, sans doute. Ah, mais c'est un vrai artiste indépendant, un rebelle. Donc je disais plus visuel, dans le sens où les danses qu'il réalise au niveau de ses clips sont... Ah oui, mais super improvisé. Musique amateur, artiste amateur, clip amateur, fait par lui-même. Mes titres d'expert. La vraie chanson folle. Des vrais textes. Bon, pour peu qu'on comprenne le texte. Donc là, le titre, c'est Little Wings. On se sent voler tout de suite, on se sent plus léger. D'ailleurs, il y a un petit côté blues. Exactement. Bon. Ouais, c'est au niveau de la voix, il y a de l'idée. Ouais. Un peu. Non, mais Wings, la chanteuse chinoise. Wing. Oui. Oui. Oui. Ah, tu crois qu'elle aurait pris son nom en référence à. Peut-être. C'est possible. On sait jamais. C'est de l'idée. Donc fameux sur internet, hein, Marc Gormley. C'est pas forcément une découverte, mais au niveau de ses prestations sur ses clips, les power moves qu'il peut réaliser en danse. Il a de nombreux fans à travers le monde. C'est assez impressionnant. Ça s'écoute avec plaisir. Beaucoup de gens se sont moqués de lui, mais quand on écoute sérieusement l'album, on sait son porté quand même. D'ailleurs, Alain, je suis sûr qu'en repartant, tu vas le graver pour le mettre dans ta bagnole ou dans ton MP3. Moi, je vais aller l'acheter. Non, faut pas le graver. Peut-être, je sais pas si on peut encore acheter. Je ne sais pas. Bon, on peut l'acheter. C'est pas gagné. T'imagines une version dédicacée. Voilà. Avec interview. Non, à la fin. Pas. Faut le laisser jusqu'à la fin. Ah bah c'est la chanson phare de l'album. Je suis obligé de laisser jusqu'à la fin. Je vois que tu me fais les gros yeux, là. J'ai pas dit que ça serait un bon album, hein. C'est un album découvert. J'ai un peu peur que si on a quelques auditeurs, je suis pas sûr qu'il reste longtemps. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut zapper. Voilà, l'avantage du podcast. C'est vrai. Vous gênez pas, hein. Attention, on va pas arriver pour la fin. Ah, ça te laisse sans voix, ça. C'est 30 millions d'amis. Oh. Non, non, moi, quand j'ai regardé 30 millions d'amis, ça me rappelle Marc Gamblé. Voilà. On a raté la fin, mais c'est pas grave. Les gens avec le tronc. Oh, ça se trouve sur net. Hein. Mais je conseille vraiment le clip vidéo. Le clip, hein. Ah oui. YouTube, Marc Gamblé. Énorme. Classique, inévitable, impassable. Après tant d'émotions, on va passer maintenant à une cartouche NES qui a été vendue à un prix extraordinaire. Cette cartouche a été vendue pour plus de 100 000 dollars, enfin même un peu moins de 100 000 dollars, 98 000 dollars, je pense. Hein. C'est Bill Gates qui l'a acheté. il s'ennuyait tellement qu'il s'est dit, il me faut un petit jeu, là. Après, il n'a pas forcément choisi le meilleur. Donc, cette cartouche NES s'intitule Nintendo World Championship. Alors, c'est une cartouche qui était disponible uniquement lorsqu'on gagnait un tournoi. Fallait participer. Elle n'a pas été... Oui, c'est ça. C'est pas un jeu du commerce qui est sorti dans le commerce. C'est un peu comme un objet promotionnel qui n'a été édité que à l'occasion du... Bah, c'est comme le nom l'indique. Le Nintendo, champion du monde Nintendo en 1990. Parce qu'en fait, il y avait des cartouches grises qui étaient données à chaque participant, enfin, ou participant ou finaliste. Finaliste. Ou finaliste, voilà, de ce tournoi de 1990. Championnat du monde. Attention. Voilà. Et par contre, il y a les cartouches dorées, qui, eux, n'étaient... Bah, encore plus rares, forcément. N'étaient plus rares, parce qu'elles étaient juste gagnées par le magazine Nintendo Power à l'époque. Et je pense qu'il y en a eu 25. Et il y en a eu, voilà... 25 ou 26 éditions, exemplaires seulement. Donc, et c'est cette cartouche gueule, apparemment, qui a été vendue 100 000, si je me trompe. Voilà. Et l'autre valait combien, la grise? La grise était un petit peu moins cher. À peu près 33 000, 34 000 dollars. Non, 10 000 dollars pour la grise et 33 000 pour la dorée. Ça fait un sacré paquet de thunes. Le pire, c'est que si tu achètes ça, tu peux même pas jouer avec. Tu la mets pas dans ta console, cette cartouche-là. Tu la mets sous plastique, etc. Donc bon c'est comme tous les objets de collection. Quel intérêt? Faut vraiment être un grand collectionneur, quoi. Faut pas lâcher. C'est vraiment le... Mais le pire, c'est que celle la plus chère, c'est celle que tu gagnes au hasard, alors que la grise qui est moins chère, c'est celle que tu gagnes en étant finaliste. Donc limite, t'as plus de challenge à l'avoir. Bon, le but, c'est d'avoir les deux, forcément. Peut-être que c'est le même acheteur qui a acheté les deux, on ne sait pas. Ouais, sans... Le but, c'est d'avoir les deux et d'avoir la collection complète de tous les jeunesses. Pour 150 000 dollars, rien que pour deux jeux. Voilà. J'ose pas imaginer le prix du reste. Ouais, le reste, à mon avis, ça coûte pas 100 000 dollars, même à l'heure actuelle. Non, mais là, c'est vraiment des modèles uniques, quoi. Alors, le pire, c'est que l'édition Gold, en fait, puisqu'il y a un épisode de L'Angry Video Game Nerd qui a été fait à ce niveau-là, il montre juste la cartouche et juste un vieil autocollant découpé au ciseau, collé avec une colle de merde. Et vas-y, je t'envoie 100 000 dollars pour un... En plus, oui, mais c'est l'objet unique, voilà. En plus, quand tu lances le jeu, t'as droit qu'à... En plus, le jeu, voilà, c'est pas grand-chose. Oui. Hein, ah oui, mais c'est pas pour y jouer, ce jeu-là. C'est une petite partie de Mario, un petit morceau de Top Gear, et un petit morceau de Tetris, et voilà, on a un score, c'est tout. C'est le but d'avoir la collection. On n'a pas un jeu complet. C'est triste, quoi, dépenser autant d'argent pour... jamais l'utiliser, en plus. Ouais, c'est comme si quelqu'un achetait un jeu d'une, par exemple, et n'y jouait jamais, juste histoire de l'avoir. Ça serait vraiment stupide. Oh, il a servi. Non, mais j'ai un jeu de rôle qui n'a jamais servi. J'ai jamais osé l'ouvrir, donc je comprends. Je comprends le sentiment de ne pas mettre la cartouche NES. Que de l'abîmer, en plus. Non, c'est pour être déçu après, ça. Oui, non, ce serait dommage. Donc, pour les intéressés, encore une fois, il y a deux nouvelles cartouches, apparemment, qui ont été mises sur eBay, pour une valeur de départ de 10 000 euros. De départ. Voilà. Ça va, il vous a pris 10 000 dollars pour une cartouche NES, normal. Parce que je me suis toujours demandé, quand tu mets quelque chose sur eBay, si à la fin ça n'atteint pas ton prix que tu as envie, tu es obligé de la donner ou tu peux dire on annule tout? Non. Ah bah non. Non. Tu peux mettre un prix plafond. Genre tu peux mettre ton... Tu vends n'importe quoi, tu mets 1 euro, et puis tu marques, enfin tu le signales bien au départ, si ça atteint pas par exemple 50 euros, c'est annulé. Mais si tu le spécifies pas au départ, tu peux quand même annuler à partir d'un certain... Bah c'est au meilleur vendeur. C'est au meilleur vendeur après. Il faut le spécifier au départ, voilà, j'en veux au moins cette somme-là. Tu peux annuler la vente sur eBay, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rappeler le départ en dessous? Bah t'auras des notifications négatives. Voilà. Tu seras considéré comme un mauvais vendeur. Oh non. Quand tu vends une cartouche à 100 000, je crois que j'ai déjà vendu sur le bon coin. Je sais pas si t'as besoin de vendre quelque chose après. Je sais même qu'ils faisaient des logiciels pour justement parier à la dernière seconde. Sur eBay, tu as des petits logiciels qui jusqu'à au millième de seconde près, créément à ta place pour économiser. Pour être sûr d'avoir. Enfin, c'est intégré. Hein, c'est... Maintenant, ça doit être intégré. On peut surenchérir automatiquement. On peut dire je surenchéris jusqu'à telle somme. Donc s'il y a quelqu'un au dernier moment même qui augmente la. Voilà, si tu as mis au-dessus. Il va automatiquement. Mais ça, c'est plus ça c'est plus le vendeur qui en bénéficie. Ah bah lui, ça l'arrange, hein, parce que c'est pas évidemment. L'acheteur, ça fait un peu mal au cul, quoi. Ça veut dire que tu vas débourser beaucoup plus. Mmh. Alors, pour le mec qui essaie de se faire une collection de petites choses à la fin. Connaître ses limites. Faut connaître tes limites. Mais je me demande s'ils font une si grosse progression que ça maintenant eBay face à Amazon, face à Le Bon Coin, en tout cas en France. Hein, mais encore beaucoup de choses sur eBay quand même. Ouais. On trouve beaucoup de choses. Mais je me demande, c'est pas en perte de vitesse justement par rapport à. En tout cas en France, Le Bon Coin fonctionne bien. Et pas qu'un peu, hein. Tu vas plus à la braderie de toute façon. C'est ça, les braderies. C'est les braderies. C'est sûr que ce qui perd le plus, c'est ceux qui encaissent le mal au choc, c'est les braderies. Les braderies, toutes les boutiques de. Avant, je me souvenais, en bas de ma rue, il y avait la braderie, j'y allais. Hein. Maintenant, je vais taper sur le Bon Coin. Pourquoi j'irai chercher 3 heures un truc que je suis sûr de pas trouver. Sauf pour ça dépend. Pour des vrais collectionneurs, même des antiquaires, des personnes comme ça. Justement, le but, c'est d'avoir des gens qui vont aller à une braderie, qui vont se dire « Allez, je vais étaler tous mes trucs, je sais même pas ce que c'est. » Et puis que derrière, ils vont vendre des choses à un prix misérable. Alors que, par exemple, quelqu'un qui va aller sur Le Bon Coin, il va déjà chercher peut-être ce qu'il vend. Voilà, bah tiens, un tel, il vend autant. Bon, bah moi, je vais le vendre autant. Mmh. Quelqu'un dans des braderies, des fois, ne connaît pas forcément le prix et peut... Et c'est là que tu fais la bonne affaire. Voilà. Exactement. Sur Le Bon Coin aussi, ça arrive. Hein. Mais... Et justement, dans l'épisode que fait la VGN... Justement, il achète un carton d'un mec qui s'y connaît pas, qui a fait « Tiens, voilà tous mes cartouches NES. » Et puis en fait, dedans, il y a celle à 100 000 dollars. Bon, bah, ça, c'est des histoires qui arrivent pratiquement jamais. Quoi, mais... Donc aujourd'hui, il y a eu la sortie des... L'annonce officielle. La sortie officielle du jeu. On connaissait la date de sortie de Elder Scrolls Online. Et aujourd'hui, on a été lancé les précommandes. Hier, on a été lancé les précommandes. Le jeu sort dans 60 jours. Pour 59 peut-être. On est un peu impatient à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs types d'offres. Il y a les offres dématérialisées. Bah, les offres téléchargeables, quoi. Voilà. Enfin, hein, on achète, on n'aura jamais le boîtier ou... La boîte, le DVD. Enfin, le CD, à quoi ça sert? C'est vrai. À quoi ça sert? J'ai même plus de lecteur CD dans ma tour, mais c'est pas pareil. J'ai branché un disque dur à la place. Il y a des gens qui achètent les boîtes solides et qui les déballent même pas, mais qui installent le jeu par internet, quoi. Mais, voilà. Mais pour ceux qui veulent, il y a la grosse boîte à environ 100 euros. 100 euros, 100 dollars. Avec donc la statuette, le livre, et plusieurs avantages en jeu. Ensuite, on a la version dématérialisée. Donc, téléchargeable en ligne. Qui avait moins cher, forcément. Avec les classes, avec des équipements de style impérial. C'est ça, l'édition standard et l'édition impériale. Donc, la standard, on a quelques bonus du fait qu'on précommande le jeu. Voilà, on peut jouer un peu avant. Et l'édition impériale, on a un cheval qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite lors de vos déplacements. Oui. On a accès à la race impériale qui n'est pas disponible dans la version standard, qui en plus. Comme avantage, puisqu'il y a 3 factions différentes dans le jeu avec chacune ces 3 races attribuées, la version impériale peut rejoindre n'importe quelle faction. À voir si ça va valoir le coup. Je pense que là où vraiment ça donne peut-être envie, c'est au niveau justement de crafter un équipement spécifique. Impériale. Ensuite, on a des anneaux qui permettent, lorsque vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez, vous jouez souvent, vous lui donnez cet anneau, et lorsque vous jouez ensemble, vous gagnez un paquet de, plus d'XP. Classique. Mais le taux d'XP n'est pas spécifié. Ouais, et les vrais fans du jeu, c'est quand même un peu plus petit qu'il y avait dit, les vrais fans de Elder Scrolls depuis le début. Alors quand tu dis depuis le début, tu... Vraiment depuis le début? Ah, le tout premier jeu, Daggerfall. Pas Daggerfall. Non, Arena. C'était Arena. Mais bon, moi j'ai commencé avec Daggerfall, ça me suffit. J'ai jamais joué à Arena. Oh là là. Oh là. Donc, ensuite, Morrowind, beaucoup de gens ont accroché avec Morrowind. Puis Oblivion, et puis je pense que celui qui a le plus de succès récemment, c'est Skyrim. Et il doit même avoir si j'ai joué plus à Oblivion qu'à Skyrim. Plus à Morrowind qu'à Oblivion. Moi c'est marrant, j'ai joué beaucoup plus aux deux premiers. Mais c'était quoi le style du premier? Morrowind, je suis allé bien loin avant de tomber sur un bug qui m'a foiré ma sauvegarde. Du coup, voilà. un jeu Bethesda sans bug, c'est pas pareil. C'est pas un jeu. J'ai joué au premier. Le problème, c'est qu'on a pu tester. On a peut-être le droit de dire. On a pu tester la bêta de Elder Scrolls Online. J'étais déçu. J'ai pas trouvé de bug. Ça fait bizarre. T'as pas l'impression de jouer à un jeu Bethesda? J'ai pas mon jeu qui a crashé ou quoi que ce soit. Ouais, mais là, il sort sur PlayStation 4 et Xbox. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, les versions PlayStation et Moi, ça me fait toujours peur. Hein. Sont, l'édition standard du jeu sur PC doit être à 55€. Sur PlayStation et Xbox, ça doit être 70€. Maintenant que vous me parlez d'Arena que je ne connaissais pas, je suis curieux. C'était le même style que Daggerfall ou... Oui. Ça a toujours été le même principe. C'était de la 3D, bien pixelisé, etc. C'était évidemment. Un peu moins pixelisé, mais beaucoup quand même. C'est peut-être celui auquel je jouais le plus, c'est possible. Mais le premier plantait beaucoup plus que le deuxième, quand même. Daggerfall plantait moins. Mais voilà. Donc ça fait bizarre quand tu joues à Elder Scrolls Online, les versions, que tu arrives dans le palais de Daggerfall. Tu reconnais pas par rapport à la version de Daggerfall, mais c'est normal, c'est pas la même résolution du tout. Les personnages... dans Daggerfall, tu t'approchais d'un personnage, tu le voyais de face. C'est un personnage en 2D qui était plaqué, une fausse 3D. Et quand tu tournais autour, tu avais le personnage qui tournait, comme un personnage en carton. Là, ça va. Dans la version là, tu peux tourner autour du personnage, il est en 3D. Il ne bouge pas. Ils ont un dos, quoi. Ils n'ont pas qu'une face. Ils ont un dos aussi. Ça fait bizarre de voir le dos de la reine. Daggerfall, je me souviens que tu disais, ouais, super jeu, vas-y, teste, machin. Dès le début, quand tu une chauve-souris, j'ai jamais passé cette chauve-souris de malheur. Bon alors. Qui m'a tué une paire de fois et du coup j'ai jamais joué à ce jeu. Eh oui, on a tous nos jeux comme ça. T'étais pas fait pour y jouer. Il fallait aller dans l'inventaire. Tu n'étais pas fait pour y jouer, c'est tout. Je sais pas, je. C'est pas grave, tu te vengeras dans Elder Scrolls Online. Tu verras toutes les chauves-souris, tu croiseras. C'est le principe du jeu. Et ensuite, donc, je pense que ça a été fait longtemps après le Morrowind. Oui, graphiquement, il y a une grosse évolution. Et là, au niveau, que ce soit gameplay, au niveau des quêtes, au niveau de l'histoire, ça a révolutionné le RPG. Et les musiques. Et surtout les musiques. Toujours Jeremy Soule qui a fait toutes les musiques des Elder Scrolls et qui, encore sur Elder Scrolls Online, on reconnaît la patte musicale quand on y joue, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué, Morrowind, je pense. Comme beaucoup de monde. Tu avais donc, comme je disais tout à l'heure, les quêtes, tu ne savais pas forcément où il fallait aller, tu te retrouvais souvent à te balader au milieu de nulle part. Ouais. Tu passais 3 heures à rien faire, à chercher un... Je me souviens avoir cherché pendant 5 heures un tronc d'arbre avec des champignons. Il y en avait beaucoup. Et c'était pourtant, c'est pas ce qui manquait, les tronc d'arbre et les champignons. Tout à fait, hein. C'est l'immersif, ouais, c'est ça, c'est le côté immersif de ces jeux-là. Alors, quelle différence comparée aux versions solo, entre guillemets, Le online. Le Morrowind et là, le online. Croises des gens qui bougent. Différent. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est étonnant dans la vie ensemble, c'est que tu t'approches de personnages, tu sais pas si c'est des joueurs ou des NPC, ils ont tous des noms. Et il m'est arrivé de croiser des personnages, j'avais envie de les attaquer. Ah, mais non, pas du tout, en fait, c'était des autres joueurs. Enfin, je pense que c'était des joueurs, je sais pas. Pareil. C'est étonnant. Lui, il va me donner une quête. Ah, bah non, il bouge maintenant. Mais justement, il y a des joueurs qui ont pris des orques, ils ont fait gros, court, bourg, bien choisi en espagnol. Le nom est bien choisi et tu te demandes vraiment si c'est un. Tu peux très bien jouer à Lost Online tout seul et donc avoir l'impression de jouer à un jeu solo. Mais je vois dans les offres qu'ils font, ils donnent des cartes trésors. Une carte trésor, donc c'est juste un dessin à l'arrache. Tu vas avoir un rocher, un arbre et une croix. Et tu te retrouves avec ça dans ton inventaire, t'as juste un dessin et tu dois te démerder pour aller trouver le trésor. Mais ça m'a passionné j'ai cherché pendant 3 heures. Ce que j'adore faire dans les MMO, c'est rien faire limite. Oui. C'est malade. Je me souviens de toi, t'as dû faire bien des heures de pêche. À la pêche. Et on peut pêcher dans Elder Scrolls Online, donc voilà, ça finit de me convaincre. Sauf quand on est en loup-garou, on n'a pas le droit de pêcher en loup-garou, c'est dommage. Il m'attendait à l'extérieur du bateau, il fait t'inquiète pas, je suis déjà en train de pêcher, tout va bien. Mais c'est excellent, hein, tu dois attendre que ça mord à l'hameçon et tout. C'est classique la pêche. Et tu retires. Un MMO sans pêche, c'est pas pareil. Alors même dans WoW, tu pêchais, toi. Bien sûr. Beaucoup. Beaucoup. Trop. Je suis sûr que t'as acheté du poisson de ton inventaire comme ça. Non, jamais. Jamais. Je ne jette jamais rien de mon inventaire, moi. Je le consomme. Ou pas. Jamais je ne jette. Donc après Morrowind, il y a eu Oblivion. Là aussi, ça a pris une bonne claque au niveau graphique. Oui. D'ailleurs, il est sorti en même temps que les dernières consoles. Enfin... que les Xbox 360, enfin il est sorti que sur Xbox 360, je suppose. Je pense pas qu'il soit sorti sur PS3. Je pense pas, non. Et il est sorti en même temps que la console, et il faisait chauffer la console d'ailleurs quand il est sorti. La classe. Ah bah on était content d'avoir un PC à l'époque, parce que les chargements, le CD tourné, mais plein pot, c'était une horreur. Hein. Mais ce que j'aime bien chez Bethesda Studios, c'est que j'ai l'impression qu'ils priorisent plus la version PC que la version console. Ce qui n'est pas le cas, on va prendre un GTA, ils vont direct viser console parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des ventes forcées dessus, que sur PC, ils vont risquer un... Même GTA, je préfère jouer sur PC avec mon clavier et ma souris. Oui, avec un pad, c'est évident. Il n'y a pas photo. Mais c'est là où j'ai toujours l'impression qu'ils ont gardé cet esprit PC. Et même quand j'ai entendu qu'Elder Scrolls Online allait être sur console, j'ai eu une petite frayeur et je me suis dit non, ça va aller. Ça va aller. Ah, même Diablo 3, hein, sorti sur console. Il est sorti sur console ? Eh oui, j'en connais qui l'ont acheté. Il est sorti, ils l'ont pas remballé en disant... Okay. Mais quelque part, ça a peut-être fonctionné. Parce que... Peut-être, on sait jamais, peut-être une version dorée ou... t'as qu'un niveau, t'as qu'un mob. Est-ce qu'il est sorti sur NES ? J'en connais qui ont acheté le jeu, qui ont réussi à faire jouer leur copine sur Diablo 3, mais sur console. Waouh. Alors que sur PC, voilà. Bah, c'est beaucoup plus friendly d'être dans ton salon. Et bah, puis, ils pouvaient jouer à deux sur le même écran avec la manette, voilà. Ah, c'est marrant que tu me parles de ça. Moi, je me souviens des jeux console. C'était des FPS où tu voulais jouer à deux. Mais tu étais obligé de mettre un truc au milieu de l'écran. Ah, l'écran était splitté. Pour pas... l'écran splitté, mais tu voulais pas voir ce que faisait l'autre. Donc tu mettais une feuille de papier comme ça. Oui, du genre de GoldenEye où tu voyais, tu pouvais jouer à 4 peut-être. Ouais, mais c'était à 4, il fallait mettre plus que toute feuille. Ah, et tu voyais où étaient les autres, donc c'était un peu triste. Mais bon, si tu te concentrais, voilà, fallait pas tricher. Il a bien fonctionné GoldenEye à l'époque sur Nintendo 64. C'est pareil, Quake 3, j'ai vu qu'il était sorti sur Dreamcast. Ouh. Oui, enfin ça c'était. Oui, c'était alors. Je me dis, mais comment ils font pour jouer avec leur manette ? Je pense que c'est une question d'habitude. Non, mais c'est tout. Si... Mais il n'y a pas longtemps... Il faut connaître une vidéo fameuse sur YouTube. Il y a eu un championnat du monde, je crois que c'était une convention à Paris. Je pense que c'était Call of Duty. Oui, Call of Duty. Etc. Et bah, il y a une interview d'un des gagnants. Mmh. Et le gagnant explique, il est interviewé par les commentateurs. Il dit, je ne comprenais pas au début, j'étais perdu dans le match, j'arrivais pas à tuer les autres. Puis un de mes camarades m'a fait remarquer que dans les options, j'avais pas activé le. Comment ça s'appelle ? L'auto-aim ? L'auto-aim. Alors je l'ai activé tout de suite. Et tout de suite, ça a remarché. Voilà, joueur PC qui joue avec ça ? Non, c'est un joueur console. Ah oui, ah oui. T'es obligé en console. Bah, c'est obligé sur console. Et on a vu la différence. Voilà, donc on voit tout de suite la différence de niveau. Une interview remarquable à retrouver sur YouTube. Oh, je me suis pas rendu compte, mais c'est moi qui jouais. J'ai oublié d'activer l'action bot. Je comprenais pas, j'arrivais pas à tuer les gens. C'est tout. C'est de l'approximatif, voilà, c'est tout. Ah, c'est lamentable. Donc, on verra si est-ce qu'on peut jouer quand on jouera à Elder Scrolls Online. Est-ce que les joueurs PC et les joueurs console joueront sur les mêmes serveurs ? Non, ça sera deux plateformes totalement différentes. Tant mieux. Heureusement. Enfin, bof. Tant mieux pour les joueurs PC, hein, après. J'aurais bien aimé voir les déplacements. Ça dépend avec AutoAim, ça veut rien. Je sais pas ce que ça peut donner. Après, je dis pas, on est loin d'un FPS ou. Parce que sur console, t'es obligé de faire haut, droite, bon, même si t'as le pad, ça reste quand même une galère, quoi. Alors que sur souris, tu vas où tu veux. Non, mais un jeu de combat comme sur un jeu de combat comme ça. À mon avis, ceux qui ont l'habitude sur console, ils peuvent se débrouiller. Mais il y avait un jeu qui était sorti, qui est toujours disponible, c'était Terra, un MMO. Vraiment très orienté combat et action, et il y avait une option, les manettes étaient gérées, quoi. Donc on arrive à y jouer. Même sur FPS, sur PC, on peut jouer avec une manette. Hein. Absolument. Mmh. Bah, d'ailleurs, si t'as laissé ta tête branchée, t'as l'air d'un con. On aurait toujours le clavier et la souris qui fonctionnent quand même. Heureusement. Mais moi qui ai jamais aimé jouer à la manette, c'est pour ça que je me fais piler dès qu'on joue à des jeux de foot ou des jeux de combat où il faut utiliser la manette. Maintenant, j'essaie justement, lorsque je joue à un jeu de bagnole, essayer de prendre la manette. Ce que je me dis, c'est peut-être plus adapté. Obligé, quand même. Mais j'ai toujours été clavier. Quand t'as été élevé au clavier comme ça, c'est vrai. Tu commences à avoir des réflexes. On est plus sur Rally 2 ou sur CPC. Vroom sur Atari. Vroom sur Atari, tu jouais avec une manette. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu pouvais jouer à la souris. En Russie, mais on pouvait jouer à la souris. Et maintenant, t'as les jeux sur téléphone ou sur toutes les tablettes, etc. Où t'as un clavier, une manette virtuelle. Et là, j'arrive pas du tout à m'habituer encore. Mais... Ah bon, on peut brancher une manette de PlayStation 4 sur son téléphone. Ce que j'ai fait. C'est bien pour les émulateurs, par exemple. Mais j'ai vu aussi, en parlant de smartphone, qu'ils ont fait une petite clé USB qui te permet de te brancher en HDMI. Donc tu peux commencer à connecter ton écran sur autre chose. Donc ton mobile va vraiment devenir un PC Avec la puissance qu'ils ont. Ça devient puissant. Hein. Je vois que sur mon téléphone, j'ai GTA 3 et il tourne mieux que sur les PC auxquels on jouait à l'époque. Ça fait très peur. Ça fait très peur quand même. Et mon téléphone commence à dater, donc c'est dire. Et moi, j'ai installé l'émulateur PlayStation. Et c'est pareil, je joue une blinde de jeux de l'époque, je me souvenais plus. Et je me dis, c'est incroyable, quoi. Tu peux rejouer à des vieux jeux comme ça. Alors même un émulateur PSP, par exemple, on peut jouer à des jeux PSP qui tournent de façon correcte. Hein. Bon, après, faut le mobile qui va avec, quoi. C'est pas qu'il y en a aucun. Sur, Galaxy S4, ça tourne à peu près, ça dépend des jeux. Hein. J'ai un S2, je dis pas, il chauffe à certains moments, sur certains jeux. Mais bon. Sinon, l'émulateur PlayStation fonctionne formidablement bien. Hein. Surtout sur les Final Fantasy, ils ont bien optimisé là-dessus. Ouais, n'importe quoi. Hein, ça, t'as les sauvegardes automatiques, ce que tu n'avais pas sur la PlayStation, donc c'est encore mieux d'y jouer sur le mobile que d'y jouer à l'époque. Ouais, non, faut pas dire ça. Faut toujours privilégier la machine d'origine. Je suis pas sûr. C'est sûr que les quick saves sont très pratiques pour finir un jeu. Oui. Sinon, pour passer les dialogues que tu connais par cœur. Voilà. Parce que le jeu, tu y as joué 100 fois. Tu connais les dialogues par cœur. Le jeu qui a pas de continu puis qui a que 3 vies, bon bah là on est content aussi. Voilà. Donc toi, vas-tu participer à l'achat de ces précommandes Elder Scrolls? Peut-être. Oh. Peut-être. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup joué aux anciens. Il a l'air bien quand même. On a beaucoup de clins d'œil. Il y a beaucoup d'échos positifs. Je suppose qu'on aura les mêmes maps, etc. Voilà, ce qui va rebuter les gens, c'est que bon, le jeu, la boîte est payante, bon, ça c'est pas nouveau. Il y a un abonnement qui doit être affixé à 12-13€ par mois. 13,99€ Donc ça sera 100 mois. Voilà, exactement. Voilà. C'est étonnant, c'est classique, mais à notre époque, il y a tellement de jeux gratuits qui sortent, de MMO gratuits. C'est un gros pari qu'ils font. Après, derrière, il y a énormément de gens, hein. Faut pas se leurrer. Ils essaient de faire plus ou moins comme a fait Age of Conan et de nombreux autres jeux. C'est de faire des jeux à la World of Warcraft. Donc faire payer un abonnement, faire payer le jeu. Et puis, bon, là, c'est l'univers, c'est le jeu que tout le monde va jouer à Skyrim, Oblivion, Morrowind en ligne avec ses amis. Mais j'ai moins le sentiment de jouer à Elder Scrolls. J'ai l'impression de jouer un MMO qu'à jouer un Elder Scrolls quand même. C'est du classique. On verra si les gens suivent. Et puis si ça ne suit pas, c'est pas grave. Dans 3 mois, il sera en gratuit. C'est pas le premier jeu comme ça qui passe en gratuit au bout de quelques mois. Le coup de l'abonnement, c'est vrai que ça, moi personnellement, je joue beaucoup le week-end. La semaine, pas beaucoup. Je comprends. Alors je me dis payer 12€ par mois pour jouer éventuellement, des fois, peut-être un week-end sur deux ou un week-end. Bon. Ça fait mal. C'est surprenant à notre époque où il y a des jeux gratuits. Voilà, c'est ça le problème. Ils n'ont même pas prévu de formule d'abonnement à vie à 150€. 150, c'est pas trop cher. Quel jeu qui faisait ça? WoW l'a fait peut-être, et d'autres jeux l'ont fait, oui. Même Conan a dû le faire. Et Geoff Conan a dû faire l'abonnement à vie à 150€. Ouais, peut-être. Et puis il est devenu gratuit le lendemain. Quelque chose comme ça, ouais. On vous met une petite dernière carotte pour la fin. Voilà. De toute façon, personnellement, je préfère acheter des DLC que de prendre un abonnement par mois. Mais moi, je me dis qu'avec l'abonnement, moi, je suis sûr d'avoir un contenu qui sera mis à jour régulièrement. Ben, c'est pas si évident. D'avoir ça, des events, Guild Wars 2 qui est totalement gratuit. Tu achètes le jeu au départ, il est totalement gratuit. Les extensions futures sont payantes. Mais tous les mois, si c'est pas tous les 15 jours, tu as du contenu gratuit. Et du bon contenu. Et tu joues encore à Guild Wars 2? Absolument, oui. Et il renouvelle régulièrement. J'hésitais, hein, parce que c'est vrai que il fallait l'acheter dès que c'était sorti. Se dire j'achète le jeu. Non, parce que maintenant il est à combien? Oui. Et l'avantage de ne pas avoir d'abonnement, c'est que c'est ça, tu peux jouer, tu y joues quand tu veux. Et l'avantage, c'est qu'il y a des jeux gratuits où t'as pas de contenu, t'as pas de renouvellement. Mais là, tous les 15 jours ou tous les mois, tu as du nouveau contenu. Alors tu apprécies ou pas, mais ils ont vendu tellement de millions qu'ils ont pu avoir venir, quoi. Non, moi j'avais joué à Age of Conan, j'avais payé l'abonnement pendant 2 ans, je pense, sans y jouer. Ouais. La flemme d'aller cliquer la petite case, c'est honteux. C'est sûr qu'après, si tu calcules qu'un abonnement de 12-13€ par mois pour jouer à un jeu comme ça, même 4-5 heures par mois, hein, quand tu compares au prix des places de cinéma, bon, est-ce que je m'amuse plus avec mon jeu ou aller voir un film? C'est pas faux. Voilà. C'est vrai, c'est pas faux. Tu dis combien, les gens qui fument, combien tu dépenses en cigarettes? Bon, est-ce que c'est important tant de plaisir que de jouer à Elder Scrolls Online avec tes amis? Voilà, tu as vite fait de te dire, bon, en fait, abonnement, c'est pas énorme. Bah, comme moi, je vois certains joueurs consoles qui. Tu peux calculer en place de cinéma. De films pourris, en plus. Et je vois certains joueurs de console qui, à chaque fois, doivent acheter le jeu 60€, etc. Mmh. Et qui se rendent compte au bout de 3 jours que c'est une vraie merde. 3 jours? 3 minutes. 3 minutes, voilà. Bon, certes. 3 minutes. Bon, c'était plus valable à l'époque. Parce qu'à l'époque, les jeux vidéo, t'avais pas les trailers comme tu peux avoir sur Internet, t'avais pas des tests, t'avais rien. Bah, tu peux t'acheter les magazines. Fois, quand ouais, mais t'avais le magazine, t'avais juste l'image. Mais tu te faisais l'image du jeu. T'avais l'image du jeu qui disait c'était la sortie. T'avais une image de jeu avec 3 pixels, avec 4 couleurs. Tu disais, mais il me le faut ce jeu. T'as acheté le jeu Tortue Ninja sur NES. Oh mon dieu. Mon dieu. Ils vendaient pas la corde avec à l'époque. J'ai beaucoup joué, beaucoup. Oh oui, il fallait rentabiliser. Il fallait rentabiliser. Tandis que maintenant, un jeu PC, tu passes plus de temps à l'installer qu'à y jouer. C'est le problème. C'est plutôt sur console que ça met plus de temps à installer maintenant. Comment ça installer ? Ah bah. Ah, parce que on met son jeu dans la PS3, on vient de l'acheter, paf, installation. Ah, voilà, ça prend son temps, d'accord. Qu'est-ce qu'il installe ? Après, bah, il installe des fichiers sur le disque dur. Jusque-là, voilà. C'est comme sur PC. Admettons, c'est le temps de l'installation PC. Et encore. Parce qu'il installe pas tout. Et après, pouf. Mise à jour, patch correctif. Sur PC aussi, ça peut arriver. Mais au moins, sur PC, on peut quand même jouer tout de suite sans faire la mise à jour. Sur console, on n'a pas le choix. Ah oui. Enfin, ça dépend. Si les jeux online, on est obligé quand même de faire la dernière mise à jour. Ça dépend. Mais il y a plein de jeux sur PS3, on veut faire, je sais pas, on a un jeu de flipper bidon, on veut y jouer, pouf, mise à jour, t'as pas le choix. Alors genre, t'as 20 minutes pour jouer, faire une petite partie de flipper vite fait, bah tu mets une demi-heure à faire ta mise à jour, et voilà quoi. Si t'as une bonne connexion internet, c'est bien, mais si tu l'as pas forcément, voilà. Bah déjà, télécharger Elder Scrolls Online, ça prend combien de gigas ? Ah, je sais plus quel place, c'est pas, ça va encore. C'est-à-dire plus de 20, c'est sûr. Ah, plus de 20. Plus de 20 gigas, oui. Bon, ça devient... Ah, ça va, moi je l'ai lancé la nuit, il m'a fallu 3 jours. Oh mon dieu. T'aurais dû passer chez moi 2 heures. Hein. C'est pas grave. On verra dans 2 mois, moins 2 jours, là, quand il sortira. C'est en avril, le 4 avril ? Le 4-5 avril, et donc les joueurs qui joueront avant, qui ont acheté un précommande, pourront jouer dès le 1er avril, comme ça. Donc un accès anticipé prévu sur les boîtes standards, sur les boîtes impériales. Toutes les précommandes ont l'accès anticipé, un petit familier, je pense. Et je sais que Laurent a acheté la grosse boîte à 100 euros. Laurent pourra éventuellement jouer avec sa statue avant. Avec sa statue à côté. En regardant sa statue. Il y aura un accès anticipé d'un mois, peut-être. Non, je crois pas. Non. Ah, mais à jouer avec sa statue, c'est sûr. Ah oui, il pourra jouer. Il faut qu'il la reçoive, on verra bien. Bah, apparemment, si tu choisis... Moi, ce qui me faisait peur, c'était... Ça m'intéresse de prendre une version physique, comme ils appellent ça. Si tu dois attendre la FNAC pour qu'elle te donne le jeu... Bon, des fois, on peut l'avoir la veille, mais... Maintenant, je me contente des versions. La veille, versions digitales me suffisent, et voilà, ça prend pas de place. C'est pour te laisser traîner plein de bibelots qui servent à rien. Non, c'est sûr. Bon, j'ai préparé un petit blind test. Un blind test qui va être forcément musical, mais lié aux jeux vidéo, quelquefois un peu de manga. Un peu de manga, ça va être dur pour moi. Mais non, ça ne sera pas difficile. Et je passe le premier extrait, ça risque d'aller vite. Si je te mets, ça va pas. Non, j'entends pas bien, on n'a pas rien. C'est pour qui ça ? Ça me parle. Oui, mais j'ai plus de mémoire. Ça me dit rien. On a parlé de cet artiste tout à l'heure. Je connais par cœur. Jérémy Soule, sûrement, mais... Jérémy Soule. Quel jeu ? Il a fait tellement de jeux, il a fait au moins 150 000 jeux. Ouais, il a trop joué, là. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du Baldur's Gate, ça peut être... Ouais, non, ça peut être n'importe quoi. C'est presque du Baldur's Gate. Neverwinter ? Neverwinter Night ? Oh non, c'était un peu compliqué. C'est un peu pointu. C'était dur. C'était très pointu. On sentait le côté jeu de rôle, mais quand même. Ça me donne envie d'y rejouer, c'est malin. Oh là là! Deuxième extrait. Alors, Mega Blast, je connais Zenon 2. Zenon 2. Perdu! C'est un remix. Pourtant, c'est Bomb the Bass. Ce n'est pas Bomb the Bass. C'est Zenon, c'est Mega Blast, c'est Zenon 2. Bah si, bah le début c'était ça. Non! Oula, oui, alors, je confonds toujours les deux. C'est un jeu des Beatmap Brothers. C'est. Chaos Engine. C'est long jeu, ça. On est tombé dans le piège. Pour l'époque. Je suis en Amiga. Il est ressorti. Je l'ai retourné. Le pire, c'est que les Beatmap Brothers ressortent leur jeu toujours. Donc tu as Chaos Engine qui est ressorti sur PC, sur Steam, je pense. Ça tombe, il doit avoir une version Android qu'on a ratée. Peut-être. Mais bon. Hop là, maintenant ça ira mieux. Bing. Ah, le bible, là, j'ai reconnu, c'est Windows. Ah, oh. T'as pas vu, hein? Windows 3. Je sais pas. 3.11, je sais pas. Les musiques de télévision Windows, ça peut être un blind test. Ils sont Windows. La fermeture de 95. Exactement. Oula, ça sent le... On est sur un jeu vidéo. C'est pas du Outrun, un petit jeu de course. C'est un jeu de sport. Un gros indice. Oulala, oui. Le bas. On attend un peu. Panga ! Oui, mais oui, Panga, là ! Ah oui, mais l'intro est bah trop oui, longue mais... Oh, l'intro longue. Ah là là. On va laisser durer. Bah oui, là, c'est sûr. Des heures de jeu là-dessus. Des jours. Bah moi j'ai pas... Enfin, toi ça n'a rien à voir depuis avec la sortie, moi j'étais dessus. Là. Toujours. Mais honnêtement pour moi c'est quand même... Ça reste le meilleur jeu de golf qu'il existe. C'est... Hein. Ouais c'est clair. Enfin le... Enfin, c'est pas la meilleure simulation, c'est pas une le simulation de golf. Ouais voilà. C'est pas une simulation de golf mais c'est sympa. C'est le plus fun. Je me demande si j'ai même pas dépensé de l'argent dedans, non, je crois pas. Moi j'en ai... Bah c'est ce que je parlais tout à l'heure, hein. Le seul jeu où j'ai dépensé je de l'argent, c'est là-dedans. J'ai acheté des golfs, des clubs, avec quel argent je sais pas. Est-ce que c'était avec le truc qu'on gagnait en jeu peut-être. Mais moi je me souviens, j'avais créé un compte sur la version japonaise parce qu'il était sorti plus, d'abord au Japon. Il y a eu tellement de versions. Il est sorti aux US. On s'est fait kicker carrément du serveur japonais parce qu'on avait des comptes étrangers. Sympathique. On a créé un compte US, même chose, kicker du serveur pour retourner sur la version européenne. Je suis sûr que j'ai un ou deux comptes qui. Mais sur quel serveur, je sais pas. Et maintenant ils ont fait un serveur global pour tout le monde. Alors la deuxième, c'est encore un jeu, forcément. Mais cette fois-ci dans un style plus différent. C'est une version harmonique. C'est une version remasterisée, en fait, orchestrée. Final Fantasy. Non. Non. Au passage, rien à voir, j'ai testé Final Fantasy 6 sur mon... qui est mon Final Fantasy préféré absolu. Ouais. Sur l'Android, j'ai commencé à jouer. J'ai désinstallé aussi vite. Sérieux ? T'as payé 15 euros pour rien ? Non. Attends, oui, oui, il a payé 15 euros pour rien. Non, parce que je te rappelle que tu peux, quand tu installes une application, tu peux la désinstaller, tu peux annuler ton achat dans les 24 heures, je ne sais plus quoi. C'est absolument terrible. À ce point-là. Le menu pour les combats est absolument impraticable. Et les dialogues en français, je ne te raconte même pas. C'est un jeu, ça ? C'est un jeu. On dirait du Ghibli. Ah, c'est dans les premiers jeux 3D qu'ils ont sorti à l'époque. Putain, mais je connais. Alors là, je vois pas du tout. Ah si. Ça peut être... C'est une version symphonique, mais je reconnais pas l'original. On dirait du Ghibli, mais alors... Bon, sur... Moi, c'est du Final Fantasy équivalent, mais je ne vois pas. Sur NES, sur... Oh là là. Sur Amiga aussi. Attends. Je sèche complètement. Faut pas que tu me le dises. C'est pas du George Lucas, hein, non, pourtant ça ressemble beaucoup. On dirait la musique d'E.T. Ouais, maintenant, ouais, c'est vrai. C'est vraiment la musique d'E.T., mais le problème, c'est que j'ai E.T. Il y a un peu de E.T. lorsqu'il vole dans le ciel. Non, c'est une. Ah, c'est oui. Un jeu avec des avions. Un shoot-up. Plus ou moins, c'est semi-simulation aérienne avec du shoot-em-up. Ouais. La version est trop transformée. Et sur l'affiche, on a un renard. Allez, les enfants. Star Fox. Oh, Star Fox. Alors Star là, Wing, pour être français. Oui, voilà. Même, européen. Même en sachant, j'aurais jamais connu. J'ai pas assez joué. Mais si, c'est ça. Non, mais si, c'est ça. J'en connais. Mais c'est les instruments, ils me parlaient pas. Ah, c'est une version piège. Oh, putain, ouais. Là, c'est un test de rapidité. Ah. Je vais le dire avant toi. Au plus rapide. Normalement, il était censé avoir Laurent. Aïe. Ah, tu sais. Ah, c'est un indice. Test de rapidité. Putain, je... Mais j'ai un blanc. C'est honteux. Je l'ai... Camelot ? Non, je l'ai. Battlefield 1900... Battlefield Heroes. Heroes. Alors, on peut la laisser un petit peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, celle-là. J'ai pas joué. À chaque fois que tu charges une partie, t'as la chance. Souvent, je l'ai testé. J'ai pas joué. Il aurait fallu mettre la musique de Battlefield 1942 juste avant pour ça. Bon, Je lançais le jeu, j'avais la musique, mais des fois je jouais pas. Je laissais la musique en plus. Je sais qu'on se l'est bouffé en boucle celle-là. On quitte l'univers jeu vidéo pour la prochaine. C'est un piège aussi. Vous allez reconnaître l'artiste. Mr. T. Non, j'ai quand même. C'est du Miyazaki. Donc, du Joe Hisaishi. C'est du Joe Hisaishi. Si c'est un film, je sais pas, j'en ai pas vu depuis longtemps. Ah bah c'est... C'est du Kitano. Kid Return. Kitano. Je l'espérais pas, celle-là. Je savais pas lequel, mais oui. Bien vu. C'est presque mon préféré. Ouais, moi aussi. Mon préféré, ça reste The Sinatosi, que personne ne connaît. Et dimanche, j'étais à une convention de cinéma vintage, etc., où il y avait plein d'affiches de cinéma, de photos de cinéma. Et il y avait un pack de photos de Sinatosi, mais il était à 15€, c'est très prohibitif, je trouve ça. Mais dans les Japan Expo et tout, tu peux acheter des bouts de films. Ah ouais, des pellicules, ouais, enfin, espérons que ce soit des vrais. Ce que je préfère, c'est les photos des films. T'as des enveloppes avec des. Comme les cellulos qui vendaient à l'époque. Oh là là. T'époque, je sais plus quoi de magasin près de. Densetsu. Ouais, Densetsu. Est-ce que c'était des vrais, hein? Ah oui, forcément, oui. Oui. Mais aussi. Le prix, vaut mieux espérer que ça soit vrai. Les cellulos, t'en trouvais, mais avant. Le problème, c'est que maintenant. Alors, avant, les cellulos, t'en avais beaucoup parce que les films d'animation, les séries étaient faites avec des cellulos. Donc maintenant, tout est. Maintenant, comme tout est numérique, et en plus, les gens se sont aperçus que le marché du cellulo marchait bien, que beaucoup de gens achetaient des cellulos. Qu'il y avait un marché, du coup les cellulos, avant tu passais derrière les studios d'animation au Japon, les studios, les cellulos, tu les trouvais dans les poubelles. Donc tu es allé faire les poubelles des studios, tu récupères les cellulos, et voilà. Mais maintenant les gens les gardent, donc il y a un marché, donc c'est le prix explose, le prix flambe. Pour les séries les plus connues, je suis sûr que sur eBay ça vend plus cher que les cartouches Gold de Genève. Voilà, j'en ai quelques-uns moi que je garde, que je ne sortirai jamais. Voilà. J'en ai des cellulos. Du Ranma et... Les trucs que tu trouves même plus en DivX, quoi. Le Riz l'a racheté en DVD. Les cellulos, ça marchait à part maintenant. Et, DVD français en... Mais avant, t'allais dans les... Je sais que j'ai des amis qui sont allés au Japon, ils allaient dans les magasins et tu trouvais des paquets de cellulos, t'achetais des sacs poubelles entiers de cellulos pour venir un peu le poignet de... Voilà, donc tu ramenais ça en France, tu les vendais et tout le monde achetait. Tandis que maintenant, bon... Donc internet. La suivante. Allez. Elle est un peu destinée quand même. Peut-être qu'à une seule personne. France 5. Grande série. Non. Ah si. Si oui mais bon. Bah quand même. J'ai pas regardé depuis tellement longtemps que. Ah non. En même temps. Je l'ai vu à l'époque. T'es pas un acteur. J'ai pas de télé. Je me rappelle à peu près des noms. Il y a Pink à la mode. Oui, Red Fromage. Red Fromage. Baguette. Black. Beaujolais. Black Beaujolais. Ça aurait pu être Red Beaujolais. Et Blue. Accordéon. White. Non, franchement. Silver. Je sais qu'à la télévision, ils passent tous les making-of forcément. Mais les making-of étaient bien faits. Non, franchement, ils ont vraiment bien fait ça. Mais ils ont sorti le dernier épisode. Je les ai tous vus à l'époque. Ils ont mis trop de temps. Dans les années 90 Entre deux, ils ont ouvert deux. Non, c'est pas dans les années 90. Je sais pas. Non, c'est des années 2000. Ah ouais, largement. Ouais, il y en avait déjà. Ça commence à 90. Non, t'avais les Beatoman au départ. Mais c'est ça. Il y avait pas mal d'autres séries entre deux. Non mais ils sont trop longtemps après, c'est vraiment dommage. Ça a pris trop de temps. Et ça a pris trop de temps et du coup personne n'est mis à tout courant. Maintenant t'as tout qui est vrai. Honnêtement ça vaut le coup de voir les deux derniers épisodes. Hein. Enfin le dernier épisode. Le dernier épisode ils l'ont fait en deux parties avec 2 ans d'écart entre les deux. 2 ans. Ouais, non même pas. Ils ont mis du temps avant de sortir le 5. Et après, t'en mets du temps parce que le 5, on pensait faire en un épisode et finalement, il en fait en 2 épisodes. Donc, ça a pris plus de temps au montage. C'est un investissement énorme quand même de faire ça. Allez, en boucle, c'est parti. Alors, le prochain est assez dur. Donc, je serais peut-être obligé de vous orienter. Ici, on parle d'un animé. De quelle année ? Très, très connu. C'est une version symphonique aussi ? Non. Ça me dit bien quelque chose. Animé sportif ? C'est pas une version symphonique. C'est pas Olivetto. C'est Olivetto. C'est Olivetto. C'est Olivetto. Je sais pas si je comptabilise la réponse. Hein. Bah, je reconnais pas. Même en sachant. Non, Olivetto, un peu. Bah, mais c'est quoi ? Ah oui, j'ai c'est la version. Regardé. C'est la version originale, donc personne n'a vu la version originale. La c'est suivante, quoi, je veux le nom du groupe et, ah. je veux le nom du jeu également. Aïe. Groupe et jeu. Ah, ouais, intéressant. Ça va être très facile. C'est un indice. Zelda. Je connais mes deux noms. C'est pas System of a Down. C'est System of a Down. La prochaine, elle est facile. C'est l'avant-dernière. Très facile, la prochaine. Bon, là, ça peut être du GTA. City Hunter. C'est ça ? C'est City Hunter. Je la connais pas. J'ai cru que t'allais me dire le trafic métropolitain, mais non. Je l'ai écouté, mais je sais pas combien, celle-là. Ah, là maintenant, oui. Je la connais par cœur. Mais le tout début, non. Je la connais par cœur. Pourtant, ça remonte, hein, parce qu'il y a longtemps que je l'ai pas écouté. Moi, je me souviens avoir joué à GTA avec ça dans les... Oui. En boucle. Ouais, moi, j'ai du Philippe Glaff en jouant à GTA. En fait, on jouait à GTA pour écouter la musique. C'est bon, ouais, Philippe Glaff, c'est limite t'attends dans ta bagnole comme ça. Il a l'air dépressif. C'est vrai que l'album était vachement bien. Ouais, celui-là, Wild. Non. Je sais plus où je vais aller chercher le titre. Dramatic Master. Et la chanson, c'est No No No. Alors le dernier, ça va être un what the fuck. Je veux l'artiste, ça devrait pas être trop difficile. Le titre de la chanson va l'être. Je connais. Ah ouais, c'est cool. Yaïaïaï. C'est pas de la vie. Faut que je retrouve le nom. Ouais. Le nom. C'est Bonnemem. C'est Bonnemem. Bonnemem. Yes. Maintenant, je veux la chanson. J'ai reconnu la voix du chanteur. Voyage, voyage, non. Je vais voyager. Yes. Voyage. Oui. J'ai reconnu la voix du chanteur. Incroyable. Tout de suite. C'est la voix du chanteur qui m'a parlé. Belle reprise. Bah, la meilleure. Bah, ouais. Mieux que l'original. Voyage. Ah non, c'était. Ah, il y a le don pour modifier les chansons. On en a encore 3 sans se rendre. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne occasion de se quitter là-dessus. Hein, voilà, c'est la dernière musique qu'on aura en tête. Je suis navré. C'est pas grave. Je m'en excuse par avance. Donc voilà, c'est la fin de cette émission de l'Another Podcast. On se retrouve dans moins d'un mois pour la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.